fois que je t'ai vu, j'ai tout de suite compris que tu étais très différent des nounours aseptisés. Ton petit air malin me plaît bien, ton regard intelligent et ton sens de l'humour, toutes ces choses me rendent dingue. Toujours croum croum, et c'est déjà beaucoup. Groumli, tu fais toujours croum croum, et ça nous plaît beaucoup. Même si t'arrives pas à dire ton nom dans l'hygiaphone, à décrocher le téléphone, à prononcer le mot radiateur. C'est pas grave parce que t'es capable de rester des heures assis sur un trottoir à prévenir du danger de la peau de banane. Fais toujours croum croum, et c'est déjà beaucoup. Groumli, tu fais toujours croum croum, et ça nous plaît beaucoup. Tu parles bien. Tu as l'œil pour les feux verts, tu fais des blagues à deux balles et t'as le cœur gros comme ça. T'es le nounours sauveur de la terre, celui qu'on attendait depuis déjà longtemps, toujours prêt à rendre service. Groumli, où es-tu? Je t'attends. Allez, Groumli, reviens quoi. Groumli, que fais-tu? On a besoin d'un ours comme toi. Groumli, reviens. Toi, Groumli, ne laisse pas tomber. Allez, Groumli, reviens. Tu es le seul nounours. Viens, Groumli. Le seul qui soit vraiment intéressant. Ensemble, on fera le tour de la terre. Allez, Groumli, je t'en supplie. Reviens.